Bah alors, mon pote, ça a pas l'air d'aller. Toujours ma mère me dit, t'es qu'un petit con, tu feras jamais rien de ta vie, de ta vie. Ah, toujours mon père me dit, va bosser du con, allez, dégage d'ici, dégage d'ici, c'est la vie. Le matin de bonheur, se lever midi, ouais c'est la bonheur, c'est la bonheur. C'était caché la gueule dans le pâté, une petite pierre, ouais, pour digérer, pour digérer. Oh, de temps en temps je me saoule la gueule, comme ça au moins, je suis pas tout seul, je suis pas tout seul. Je fais chier personne sauf si je dégueule sur des blaireaux. Des amuse-gueules, des amuse-gueules. Oui mais putain, merde quoi. Toujours ma mère me dit, t'es qu'un petit con, tu feras jamais rien de ta vie, de ta vie. Oh, toujours mon père me dit, va bosser du con, allez dégage d'ici, c'est la vie.